parti, pourquoi? Tu vois, je ne sais plus le temps passe, et plus ma vie s'ennuie, nuit sans amour, où je vais, c'est perdu, perdu sans toi, chercher un peu d'oubli. Je ne sais rien de toi, et pourtant quand je vois dans la rue un passant qui de loin te ressemble, j'ai envie de crier, de pleurer, de prier. Je ne sais rien de toi, de janvier à décembre. Il y a beau ciel qu'il est noir de soleil, soleil ou pluie, ma vie est sans amour, amour perdu, au jour toujours pareil, pareil demain. Et les autres jours, jour après jour, de la nuit au réveil, je ne sais rien de toi, et pourtant quand je vois dans la rue un passant qui de loin te ressemble, je ne sais rien de toi, de gens.